Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Eman. Dai 19 wa. Est-ce à cause de cela que de nombreuses distorsions se sont produites? J'ai l'impression de m'éloigner de moi-même. Si c'est le cas, j'estime que mes efforts en valaient la peine. Il faut toujours refermer ce qu'on a ouvert. Entrer ou ne pas entrer, personne ne t'oblige à rien. Le temps n'est pas un facteur très important. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Neuvième épisode. Il y a trop de coïncidences. Les choses commencent à se précipiter et tout converge vers le même lieu. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Nous voudrions lire des livres. Naturellement. Vous pouvez lire ce qui vous plaira. La bibliothèque est ouverte au public. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Vous venez de loin? De Nagoya. C'est assez loin. Oui, nous avons traversé un pont, un grand pont magnifique. Nakata bon, n'avait merci jamais... pour tout, merci pour tout. C'est bien. Très sympathique ce garçon. Il doit être gay. Tous les goûts sont dans la nature. Certains aiment parler avec des pierres, d'autres préfèrent coucher avec des hommes. Pourquoi pas? Hé, hey, papy, as-tu trouvé cette chose importante que tu recherches? Non, pas encore. Mais nous sommes au bon endroit, c'est sûr. Oui, j'ai parlé un bon moment avec la pierre hier soir avant de m'endormir. Je suis sûr que c'est ici. Tant mieux. Beethoven et son temps. Tiens donc. Débarrassé de mon attirail, je continue à avancer dans la forêt. Le paysage se répète à l'infini. Simplement, chaque fois, la forêt devient plus profonde. J'absorbe ce paysage répétitif. J'en fais une partie de moi-même. Je me dirige vers le centre du labyrinthe, seul, sans carapace, livré au vide qui m'attend là-bas. Cette forêt n'est-elle pas une partie de moi-même? Je voyage à l'intérieur de moi-même, comme le sang à l'intérieur des veines. Une question se formule en toi. Pourquoi ne t'a-t-elle pas aimé? Pourquoi ne m'a-t-elle pas aimé? Ne méritais-je pas l'amour de ma mère? Elle ne m'a même pas serré dans ses bras avant de partir. Ce n'est pas qu'elle ne t'aimait pas. Je poursuis ma marche. J'avance sur le rivage de ma conscience. Mon âme quitte les oripeaux rigides de celui que je suis aujourd'hui, devient un corbeau noir qui se pose sur une haute branche de pin et me regarde tel que j'étais à 4 ans. En fait, elle t'aimait très profondément. Tu dois en être sûr. Ce sera ton point de départ. Mais elle m'a abandonné. Oui, ce que tu dis est vrai. Et tu as été blessé, abîmé. Mais tu peux encore guérir, tu dois lui pardonner. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais tu dois le faire. C'est ta seule planche de salut. Mademoiselle Saichi est-elle ma mère? Beethoven. C'est dur d'être un génie. Hé, papy, où tu vas? Hé, attends-moi. Excusez-moi, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer, là. Écoute, papy, c'est interdit d'aller par là. Non, vous deux, non, excusez-moi, mais... Hé, papy, tu peux pas entrer ici comme ça. C'est interdit. Allez, viens avec moi. Nakata a quelque chose à vous dire. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de la pierre. De la pierre de l'entrée. Auriez-vous la gentillesse de nous laisser seuls un moment? Je dois parler à monsieur. Salut. Bonjour. Bonjour. Nous t'attendions. Moi ? Le temps n'est pas un facteur très important, mais tu as mis plus de temps que prévu. Vous êtes les deux soldats qui ont disparu dans cette forêt pendant l'entraînement il y a très très longtemps, n'est-ce pas ? C'est exact. Vous saviez que j'allais venir ? Oui. Nous montons la garde ici, alors. Nous savons bien qui va arriver, nous faisons quasiment partie de la forêt. L'entrée est ici, et nous montons tous les deux la garde. Pour le moment, l'entrée est encore ouverte, mais elle ne va pas tarder à se refermer. Aussi, si tu veux entrer, c'est maintenant ou jamais. Tu peux me croire, ce n'est pas souvent que cet endroit est ouvert. Si tu veux entrer, nous te guiderons. Le chemin est dur à suivre, tu auras besoin de nous. Si tu n'entres pas, fais demi-tour ici. Ne t'inquiète pas, tu pourras retourner d'où tu es venu, et tu reprendras ta vie comme avant. À toi de décider, entrer ou ne pas entrer. Personne ne t'oblige à rien. Mais une fois à l'intérieur, il sera difficile de reculer. Emmenez-moi. J'ai des gens à voir là-dedans, je crois. Asseyez-vous, je vous en prie. Je crois que nous avions rendez-vous. Oui, c'est ce qu'il me semble aussi. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver ici. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps. Ne vous excusez pas. Maintenant, c'est le moment parfait pour moi. Mademoiselle Saiki. Oui. Vous connaissez la pierre de l'entrée, n'est-ce pas? Les doigts de la jeune noyée cherche la pierre de l'entrée. En effet, je la connais. Je l'ai croisée il y a longtemps dans un certain lieu. Peut-être aurait-il mieux valu que je ne la rencontre pas. Mais je n'ai pas eu le choix. Nakata l'a rouverte il y a quelques jours. Vous vous souvenez du jour où il y a eu tous ces coups de tonnerre? Je m'en souviens. Nakata a ouvert la pierre parce qu'il devait le faire. Je comprends. Pour remettre un certain nombre de choses à leur place, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Vous étiez la personne la plus qualifiée pour cette mission. Nakata ne comprend pas bien ce que signifie qualifiée. Mais je peux vous dire, mademoiselle Saiki, que je n'avais pas le choix, moi non plus. À vrai dire, Nakata a assassiné quelqu'un à Nakano. Nakata ne voulait tuer personne, mais Johnny Walken l'a poussé à le faire à la place d'un garçon de 15 ans. Nakata a été obligé d'accepter et Nakata l'a tué. Est-ce que toutes ces choses sont arrivées parce que autrefois j'ai ouvert la pierre de l'entrée? Est-ce à cause de cela que de nombreuses distorsions se sont produites? Mademoiselle Saiki? Oui. Nakata ne connaît pas la réponse à votre question, mais son rôle est de redonner aux choses la forme qu'elles doivent avoir. Je suis sûre que vous le savez déjà, mais vous devez partir. C'est ce que je souhaitais depuis longtemps, vous savez, monsieur Nakata. Je l'ai souhaité dans le passé et je le souhaite encore aujourd'hui. Mais je ne savais pas comment obtenir ce résultat. J'étais obligée d'attendre que le moment s'impose de lui-même. Mademoiselle Saeki, Nakata a une ombre réduite de moitié, comme vous. Je sais. Et maintenant, il faut que nous partions d'ici. Je sais. On marche trop vite pour toi ? Non, non, ça va. Je vous suis. Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Ne l'oublie pas. Tu es courageux. Aucun autre garçon de ton âge n'aurait pu nous suivre jusqu'ici. On a encore beaucoup de route à faire. Plus trop. On y est presque. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. C'est ici. Voilà le lieu où tu dois entrer seul. Une petite ville est blottie dans une sorte de cuvette peu profonde. Je ne sais pas combien de gens vivent là, mais d'après la taille de ce vallon, ils ne peuvent pas être très nombreux. On ne voit personne nulle part. Il n'y a pas de magasin, pas d'équipement public, pas d'enseigne, ni de panneau de signalisation. Juste quelques constructions toutes simples, toutes du même aspect et de la même taille, regroupées ici, on ne sait pourquoi. J'ai l'impression de m'éloigner de moi-même. Par-delà le bord du monde, il est un espace où le vide et la substance se superposent, où passé et présent forment une boucle continue, sans commencement ni fin. Les deux soldats me conduisent jusqu'à une construction qui ressemble étrangement à la cabane d'Oshima, comme si l'une avait servi de modèle à l'autre. Tu dois rester là le temps de te remettre. Ce ne sera pas très long. Comme on te l'a dit tout à l'heure, le temps n'est pas un problème ici. Bon, nous on doit retourner à notre poste. Tu as dit que tu devais voir quelqu'un ici. Oui. Je pense que tu vas rencontrer cette personne. Le monde est petit, ce monde-ci en tout cas. Merci mille fois. Monsieur Nakata. Oui, mademoiselle Saeki. J'ai quelque chose à vous demander. Je travaille à ce manuscrit depuis que je suis revenue dans cette ville. J'y raconte mes souvenirs. Je les ai écrits pour remettre de l'ordre en moi-même. J'en suis venue à bout, j'ai tout raconté, je n'ai plus besoin d'écrire. Et je ne veux pas non plus que cela soit lu par qui que ce soit. Voilà pourquoi je voudrais que vous brûliez ce manuscrit et en jetiez les cendres, afin qu'il n'en reste rien. Si c'est possible, j'aimerais que ce soit vous, Monsieur Nakata, qui vous chargiez de cette tâche. Vous êtes la seule personne sur qui je puisse compter. Excusez mon insistance, mais accepteriez-vous de faire cela pour moi ? Entendu. Si tel est votre souhait, je brûlerai ces pages jusqu'à la dernière. Soyez tranquille. Merci. Monsieur Nakata. Oui ? J'ai l'impression de vous connaître depuis très longtemps. N'étiez-vous pas dans ce tableau ? La personne qu'on voyait au fond, dans le paysage, ce n'était pas vous. Vous aviez relevé le bord de votre pantalon blanc pour tremper vos pieds dans l'eau. Mademoiselle Saiki. Kafka Tamura, il faut que je t'annonce la nouvelle. Si tu n'es pas déjà au courant, bien sûr. Bonjour. On a l'impression d'être à la bibliothèque. Oui. À ceci près qu'il n'y a pas de café et pas d'Oshimasan. Et pas un seul livre. À vrai dire, cela n'a pas été facile de venir jusqu'ici. Mais je voulais absolument te voir et parler avec toi. Merci d'être venu. C'est moi qui devrais te remercier. Il fallait que je te voie au plus vite. Et que je te parle avant que tout ne s'évanouisse de mon esprit. Tout d'abord, le plus important, c'est que tu sortes d'ici dès que tu peux. Traverse la forêt et retourne à ta vie d'avant. L'entrée va bientôt se refermer. Promets-moi que tu le feras. Mademoiselle Saiki, vous ne comprenez pas. Cette vie d'avant dont vous parlez n'a aucun sens pour moi. Pourtant, il faut que tu y retournes. Même si rien ne m'y attend, même si personne ne souhaite ma présence. Ce n'est pas vrai. Moi, je désire ta présence. Mais vous n'êtes plus là-bas, n'est-ce pas? C'est vrai. Malheureusement, je n'y suis plus. Eh bien, qu'attendez-vous de moi une fois que je serai retourné là-bas? Une seule chose. Je voudrais que tu te souviennes de moi. Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient. Kafka, j'ai autre chose à te demander. Je voudrais que tu emportes le tableau. Kafka, au bord de la mer. Kafka, au bord de la mer. Je voudrais que tu le gardes avec toi pour toujours. Je dois partir maintenant. Tu poses enfin la question que tu as retenue si longtemps. Est-ce que vous êtes ma mère? Tu connais déjà la réponse? Oui, je connais la réponse. Dis, Kafka Tamura, tu me pardonnes? Est-ce que j'en ai le pouvoir? Tu dois lui pardonner. Oui, si la peur et la colère ne t'en empêchent pas. Tu dois le faire, c'est ta seule planche de salut. Si j'en ai le pouvoir, Mademoiselle Saiki, alors, oui, je vous pardonne. Oh, ma mère, dis-tu, je te pardonne. Et tu sens le bloc de glace au fond de ton cœur se fendre avec un craquement. Retourne d'où tu viens et continue à vivre. Mademoiselle Saiki. Oui. Je sais pas très bien ce que ça signifie, vivre. Regarde le tableau. Fais comme moi. Regarde le tableau. Sans cesse. En tout cas, papy, maintenant c'est sûr, personne ne lira ce manuscrit. Je sais pas de quoi il parlait, mais il n'en reste rien. Oui, Nakata se sent soulagé. On a fini ce qu'on avait à faire ici, pas vrai? En gros, oui. Il ne reste plus qu'à refermer l'entrée. Ah oui, c'est important ça. Très important. Il faut toujours refermer ce qu'on a ouvert. Allons-y vite alors. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme dit le proverbe. Monsieur Oshino... Quoi? On ne peut pas. Comment ça? Le moment n'est pas encore venu. Nous devons attendre le bon moment pour refermer la pierre de l'entrée. En attendant, Nakata va dormir un peu. Il a terriblement sommeil. Allons bon, ça te reprend. Les choses ont pris plus de temps que je ne pensais. Les forces de Nakata sont complètement épuisées. Auriez-vous l'obligeance de me ramener dans un endroit où je pourrais dormir? Ok, ça marche. On va trouver un taxi et retourner à l'appartement. Tu pourras dormir comme une souche. Monsieur Oshino, je suis désolé de vous causer autant de soucis. Sans vous, Nakata aurait été perdue. Je n'aurais pas pu faire la moitié de ce que j'ai fait. Si c'est le cas, j'estime que mes efforts en valaient la peine. Nakata vous est très reconnaissant. Tu sais, papy? Oui. Je crois bien que moi aussi, je te suis très reconnaissant. Bah lui, au moins, il s'en fait pas. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Eman. 19e épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka. Arthur Ribot, le garçon nommé Corbeau. Axel Boguslavski, Nakata. Jonathan Cohen, Oshino. Anne Alvaro, Mademoiselle Saeki. Juliette Plumcock-Mesh, Oshima. Et les voix de Philippe Magnan, Félicien Jutner, Damien Houssier. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Oja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.